Eh bien bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gemozo 107 FM. Aujourd'hui, Natalia. C'est une nouvelle écrite par Thierry Jonquet. Elle est parue aux établissements Folio. Thierry Jonquet est un écrivain français né en 1954 à Paris et il est mort en 2009. C'est un auteur de polar contemporain. Il écrit des romans noirs où se mêlent les faits divers et la satire politique et sociale. Il étudie la philosophie et travaille en gériatrie, puis dans l'éducation nationale, où il s'occupe d'une section d'éducation spécialisée dans la banlieue nord parisienne. Les personnages de son roman, Les Orpailleurs, ont donné naissance à une série télévisée, Boulevard du Palais. Le juge est une femme, et les cinq dernières minutes. Je vais vous lire ce qu'il pense de lui. J'écris des romans noirs, des intrigues où la haine, le désespoir se taillent la part du lion et n'en finissent plus de broyer de pauvres personnages auxquels je n'accorde aucune chance de salut. Chacun s'amuse comme il peut. Eh oui, Natalia ne va pas déroger à la règle. La pièce baignait dans une semi-pénombre, si bien qu'il ne pouvait en évaluer exactement les dimensions. Il se souvenait du couloir, froid et nu, dans lequel s'ouvraient les portes des cellules, du béton empestant le crésil, des traces de sang sur le sol, des murs qui portaient la marque des griffes. À présent, solidement ligoté à un curieux fauteuil ressemblant à celui des dentistes, il attendait, assis, en plissant les yeux. Il pouvait distinguer un bureau, un classeur à crémaillère, ainsi qu'un poêle à charbon, éteint, et dont la forme trapue évoquait la silhouette d'un insecte géant. Il avait froid. Il lui avait ôté tous ses vêtements avant de le battre avec une cravache et de lui lier les poignets, les coudes, les genoux et les chevilles à l'armature du fauteuil. Il ne pouvait évaluer le temps écoulé depuis sa capture. Il l'avait arrêté en pleine rue, précipité dans une voiture, avant de lui confisquer ses papiers, sa montre, ainsi que le petit porte-carte dans lequel il rangeait des photographies de sa femme. Il n'était plus temps désormais de songer au passé, puisque, selon toute probabilité, il n'avait plus d'avenir. Il se souvint pourtant des avertissements de retard qu'il avait mis en garde après qu'il eut accepté le travail que le service lui proposait. « Méfiez-vous, Gérard !» « Je sais que vous êtes un garçon impétueux. Dites-vous bien qu'en face, nous avons affaire à des monstres. Au moindre faux pas, ils vous coinceront. » Il n'avait commis aucune erreur. Du moins, tentait-il de s'en persuader. Depuis le début, il avait scrupuleusement respecté les consignes de sécurité. Il s'était habitué à ces gestes obsédants, harassants, qui scindaient les journées en autant de rituels en apparence absurdes, mais dont la maîtrise vous permettait de garder la vie sauve. Casser une filature, vérifier qu'un local n'était pas sonorisé, coder un message sous une forme anodine, repérer les visages croisés dans la rue, s'assurer de la sécurité d'un lieu de rendez-vous. Aucune erreur. Il n'avait commis aucune erreur. Et pourtant, il était entre leurs mains. L'accueil qu'ils lui avaient réservé en disait long sur leurs intentions. Les coups de cravache, l'isolement dans cette pièce glaciale. Soudain, la porte s'ouvrit à la volée. Il fut aveuglé par la lampe braquée droit sur son visage. Ils étaient trois, deux hommes, une femme. Les hommes, lourds, gras, massifs, sanglés dans des vareuses entrelardées de décorations, bottés, gantés, le visage lisse, impassible, le regard mat, indéchiffrable. Ils prirent place de part et d'autre du fauteuil où était attaché le prisonnier, croisèrent les bras sur la poitrine et se turent. L'un était capitaine, l'autre lieutenant. La femme était jolie. Elle portait l'uniforme avec une grâce rebelle, comme à contre-cœur. Ses seins tendaient le tissu de la chemise kaki et la jupe, stricte et droite, moulait des fesses que l'on devinait charnues. Elle prit place derrière le bureau, orné d'un buste de Lénine où trônait une machine à écrire antédiluvienne et croisa ses jambes, bottées de cuir, comme celles des hommes. Le nylon de ses bas crissa dans le silence pesant qui s'était installé. Elle eut un geste charmant pour ôter son calot et dénouer son chignon. Une toison rousse, vaporeuse et sauvage auréola son visage d'un jet de feu. À présent que ses yeux s'étaient accoutumés à la lumière, Gérard Lombert put la dévisager à sa guise. Il plongea son regard dans le sien, contempla ses yeux d'un vert cristallin, l'angoisse au cœur et souhaita basculer dans la mort en emportant ce dernier souvenir. L'homme, qui portait des galons de capitaine, secoua Lambert d'une poigne ferme pour le tirer de sa rêverie. Il saisit la cravache avec laquelle il avait déjà battu son prisonnier. « Nous n'avons pas eu le temps de faire connaissance, ou si peu, n'est-ce pas, colonel ? » ricana-t-il. Il parlait très bien le français, avec une pointe d'accent presque imperceptible. « Je ne suis pas colonel !» hurla Lambert. « Je n'ai rien à voir avec toutes ces histoires. On ne va pas tarder à s'apercevoir de ma disparition, et l'ambassade va... »« L'ambassade ? Vous croyez que vos petits amis de l'ambassade peuvent encore quelque chose pour vous ?» rétorqua le tortionnaire en cinglant le torse de Lambert de la pointe de sa cravache. Le prisonnier se raidit et serra les dents. Il reçut d'autres coups, se contorsionna dans ses liens sans parvenir à s'en défaire. Le lieutenant se pencha au-dessus de Lambert et lui sourit. « Nous reprenons tout à zéro. Colonel Lambert, le capitaine Griouchkov est, comme vous le constatez, partisan de la manière forte. Pour ma part, je préfère la persuasion. Mais si vous vous entêtez à nier l'évidence, vous vous appelez donc Lambert. » « Oui, Gérard Lambert. Je suis venu en touriste. « Simple touriste !» murmura le prisonnier. « Natalia !» demanda Kriouchkov en se tournant vers la femme assise derrière le bureau. « Tapez la déposition du colonel Lambert !» Le prisonnier redressa la tête et contempla les mains de la jeune femme. Des mains potelées, aux ongles vernis d'un rouge sombre qui s'activait sur les touches de la machine à écrire. « Votre histoire de tourisme n'est qu'une couverture, monsieur Lambert ?» reprit Kriouchkov. « Non, vous faites erreur, vous êtes fou, on a dû vous donner de mauvais renseignements. Je suis venu avec un visa de touriste, j'ai visité l'Ermitage, je... » « Assez de mensonges !» tonna celui qui se faisait appeler Kriouchkov. La cravache de nouveau. Lambert s'arc-bouta dans le fauteuil. Il entendait encore la voix de retard lui donner des conseils. « En cas de capture, mon vieux, niez, niez tout, niez l'évidence, niez jusqu'à l'absurdité, simplement pour gagner du temps. » Curieuse tactique, avait protesté Lambert. « Quand on commence à céder, on ne peut plus s'arrêter. » avait ajouté Rotard d'une voix lugubre. La cravache, encore. Apparemment, incommodée par les cris de Lambert, Natalia quitta son bureau et se dirigea vers un vieil électrophone trépase posé sur une tablette et entouré de quelques 33 tours poussiéreux. C'est cela, Natalia, ricana le capitaine. Bon, mettez-nous donc un peu de musique. Notre ami Lambert appréciera. Le prisonnier serra les dents, plissa les yeux entre deux coups et vit Natalia saisir la pochette d'un disque qu'il connaissait. Les chants néo-révolutionnaires du monde, interprété par le groupe 17. En couverture, on voyait une foule tassée sur les grands boulevards parisiens à l'occasion d'une manif. À l'intérieur figurait une introduction très lyrique signée de Max-Paul Fouché. La main gracieuse de Natalia déposa la pointe du saphir sur le sillon. Et aussitôt retentirent les premières mesures de l'Internationale. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. Comme encouragé par les accents martiaux de l'hymne révolutionnaire, le dénommé Griouchkov et son acolyte redoublèrent d'ardeur. La cravache sifflait dans l'air frais de la pièce. Quelques minutes plus tard, les deux tortionnaires n'avaient rien obtenu. Lambert s'était obstiné à répéter la version soigneusement mise au point lors du briefing ayant précédé le départ en compagnie de Rotard. Griouchkov et son alter ego décidèrent de s'accorder un peu de repos. Ils abandonnèrent le prisonnier, épuisé, perclus de douleur sur son fauteuil et sortirent dans le couloir. Natalia rangea les formulaires d'interrogatoire qu'elle avait tapés, alluma une cigarette et s'approcha de Lambert. La dernière strophe de l'International s'achevait sur la promesse de la disparition prochaine des corbeaux, des vautours, et assurait qu'une fois ces volatiles réduits à néant, le soleil brillerait toujours. Avec une étrange douceur dans le regard, Natalia contempla les plaies de Lambert et effleura sa poitrine d'une main tremblante. Pétrifié de stupeur, le supplicié se cabra sous la caresse. « Natalia, je vous en prie, » balbutia-t-il, les larmes aux yeux. « Taisez-vous, » chuchota-t-elle en lui coupant la parole. « Ils ne sont pas loin. » Elle approcha son visage du sien jusqu'à le toucher, lécha délicatement un filet de sueur salée qui coulait sur sa joue, puis poursuivit le long du cou, du torse. « Méfiez-vous, ils sont capables de tout, en toutes circonstances. Soyez sur vos gardes, » souffla-t-elle. Alors que les lèvres de Natalia butinaient tendrement son sexe, Lambert se souvint, une fois encore, des mises en garde de Rotard. À présent, il s'abandonnait au plaisir, le moyen de faire autrement. La jeune femme changea brusquement de rythme et en quelques mouvements de la tête rapide et saccadée lui fit rendre gorge. Il étouffa un cri. Elle s'était redressée et regagna sa place derrière sa machine à écrire. Lambert la dévisagea ahuri. « Courage, tenez bon !» dit-elle simplement en allumant une cigarette. Griouchkov et le lieutenant revinrent dans la pièce moins d'une minute plus tard. « Alors, monsieur Lambert, allez-vous vous entêter encore longtemps ?» susurra le capitaine. « Nous vous avons ménagé une petite plage de repos pour que vous repreniez vos esprits. Mais à présent, il faut passer aux aveux. » Lambert attendit. Ainsi, tout était calculé. Rotard avait raison. Ils étaient capables de tout. Maintenant, les coups allaient reprendre. Ce petit voyage en touriste était prévu depuis longtemps, n'est-ce pas, monsieur Lambert ? Non, protesta-t-il. Je l'ai décidé sur un coup de tête, je vous le jure. Griouchkov se tourna vers Natalia, qui lui tendit un dossier cartonné. il en tira une photographie récente de Rotard. « Vous connaissez ?» demanda-t-il, en la fourrant sous le nez de Lambert. « Jamais vu !» murmura celui-ci, en s'efforçant de masquer son trouble. « Étonnant ! Tout à fait étonnant !» ricana le lieutenant. « Voulez-vous que nous fassions les présentations ?» « Il s'agit du général Rotard. Il est responsable de votre section. C'est lui qui vous a envoyé en mission chez nous. » « C'est une erreur !» s'entêta Lambert. Un nouveau coup de cravache lui cingla les cuisses. « Regardez donc !» vociféra Grochnouvkov en sortant un autre jeu de photographie. Lambert, désespéré, les contempla une à une. Elles avaient été prises avant son départ, au stage de préparation. On le voyait en compagnie de Rotard et d'autres officiers du service. « Ce sont des montages ?» bredouilla-t-il sans conviction. « Trêve de bavardage, Lambert, » conclut Grioushkov en laissant sa cravache tomber à terre. « Ce petit intermède n'était destiné qu'à vous mettre en condition. Contrairement à ce que vous pensez, nous ne sommes pas des barbares. Ce que vous avez à nous dire, nous l'apprendrons d'une façon ou d'une autre. Natalia ?» La jeune femme tourna la tête vers le capitaine, qui lui fit signe de s'approcher. Il murmura quelques mots à son oreille. Natalia acquiesça, quitta la pièce et revint aussitôt avec un plateau supportant une seringue et une fiole de liquide brunâtre. Grioushkov lui demanda de le déposer sur le bureau. « Monsieur Lambert, je vais vous laisser le choix, » reprit-il. « Soit vous nous racontez ce que vous savez de votre plein gré, auquel cas nous vous laisserons tranquille, soit vous vous obstinez, et alors, pour aller plus vite, nous vous ferons une injection de ce produit qui délie toutes les langues, mais qui présente l'inconvénient de laisser quelques séquelles. Vous espérez reconnaître votre femme, si d'aventure vous étiez amené à la revoir, n'est-ce pas, Lambert ? Alors, écoutez mon conseil, épargnez-nous le recours à cette précieuse seringue. » Comme précédemment, les deux officiers abandonnèrent Lambert qui se retrouva seul avec Natalia. Dès qu'ils eurent quitté la pièce, elle s'approcha de lui et lui sourit. « Assez » cria-t-il, « allez-vous-en !» Elle n'obéit pas. Excédé, Lambert la vit retrousser posément sa jupe. Ce n'était guère aisé en raison de son étroitesse, mais elle y parvint au prix de quelques contorsions. Il détourna le regard. À présent, elle ouvrait un à un les boutons de son corsage. « Assez !» hurla-t-il encore. « Je ne veux pas me prêter à ce... » Il ne put poursuivre. Elle avait plaqué une main sur sa bouche et d'un bond monta à califourchon sur le fauteuil. Avec une autorité sans faille, elle le guida en elle et s'occupa de la suite. Prisonnier de l'étau de ses cuisses, rivé au fauteuil par les cordes qui lui immobilisaient les bras, les jambes, Lambert capitula. Les reins de la jeune femme ondulaient de plus en plus vite. Une seconde fois, il s'abandonna. Elle n'attendit pas qu'il reprenne ses esprits, s'arracha à lui et sauta sur le sol. « C'est ignoble !» articula-t-il, tandis qu'elle se rajustait. Il manqua défaillir quand il la vit dénouer les cordelettes qui le maintenaient prisonnier. 2 minutes plus tard, il était libre. Elle ouvrit un placard et en sortit les vêtements qu'il portait lors de son arrestation. « Vite, ils vont revenir !» dit-elle simplement. « Je ne me prêterai pas à cette mascarade » grogna-t-il d'une voix sourde. « C'est Rotard qui m'a envoyé à votre secours !» lança-t-elle. « Je vous en prie, dépêchez-vous !»« Je ne connais pas ce Rotard !» rétorqua Lambert en montrant la seringue. « Il s'agit encore d'un piège !» Allez-y, dites-leur qu'ils peuvent revenir et m'injecter cette saloperie. Qu'on en finisse. Je suis Morlan, articula Natalia. Lambert écarquilla les yeux. Ne vous en faites pas, mon vieux. Dès que vous serez là-bas, Morlan veillera sur vous, lui avait dit Rotard, la veille de son départ. Morlan est notre meilleur agent sur place. Vous ne le connaîtriez pas, mais s'il vous arrive une tuile, il viendra à votre aide. À la hâte, Lambert enfila les vêtements qu'elle lui tendait. Elle s'empara d'un revolver, l'arma et lui désigna une porte qu'il n'avait pas encore remarquée et qui s'ouvrait dans le fond de la pièce. « Je rentre en France avec vous, » dit Natalia. « Maintenant, je suis grillée. » Ils s'enfuirent par un dédale de couloir et se retrouvèrent bientôt à l'air libre. 3 jours plus tard, Natalia attendait assise à la terrasse du Café de la Paix, place de l'Opéra. Un homme à la cinquantaine, bedonnante, hésita à s'asseoir à sa table et s'y décida après qu'elle y eut invité. « Vous êtes bien Natalia, enfin Morlan, » bafouilla-t-il en se mettant brusquement à rougir. Elle hocha la tête en guise d'assentiment. Je viens de la part de Gérard Lambert. C'est un collègue de bureau et un ami de longue date. Mais je ne me suis pas présentée. Rotard. Fernand Rotard, annonça-t-il en lui tendant la main. Je souhaiterais quelques précisions à propos de la prestation. Elle les lui donna. Rotard s'épongea le front. Tout émoustillé qu'il était, à l'idée des délices promis. Vous désirez que nous procédions au même rituel qu'avec votre ami Lambert ? Demanda doucement Natalia. Absolument, confirma Rotard en rougissant de nouveau. J'ai toujours adoré les romans d'espionnage. En ce cas, nous inverserons les rôles. Il faut un scénario, une trame, un dialogue pour rendre la situation jouable, proposa Natalia. Vous étiez censé être le supérieur de Lambert dans un mystérieux service. Nous vous appellerons Rotard durant l'interrogatoire et Lambert sera votre supérieur hiérarchique. D'accord ? Rotard acquiesça. Gérard Lambert l'avait prévenu. Le 3615 Natalia était un serveur fiable. Un détail cependant, précisa-t-il, si vous pouviez mettre la pédale douce du côté des coups de cravache, je ne serais pas contre. Lambert m'a raconté, c'est quand même assez éprouvant. Monsieur Lambert a apprécié. À chacun ses goûts, rétorqua Natalia avec un sourire. « Mais vous vous appelez vraiment Natalia ?» bredouilla Rotard. « Absolument. Nathalie, si vous préférez. »« Ah, eh bien, c'est formidable. Ah, ce Lambert, vraiment, quelle énergumène !» gloussa Rotard. « Donc, nous nous donnons rendez-vous. »« C'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez venir directement dans nos locaux. » Mais si cela vous chante, nous pouvons pratiquer comme avec Lambert et vous prendre en charge à l'improviste. Formidable, oui, à l'improviste. Ce serait parfait, parfait, approuva Rotard, beaucoup plus excitant. Il resta un instant songeur. Un autre détail auquel nous n'aurions pas songé, demanda Natalia. Non, murmura Rotard. Figurez-vous qu'étant gosse, un vieil homme vivait sur le palier en face de chez moi, un Russe, blanc. Comme tous ses amis, il était chauffeur de taxi. Les temps changent, monsieur Rotard, murmura Natalia avec un voile de tristesse dans le regard. Du temps de l'Union soviétique, mes frères et moi, nous étions, comment dites-vous, tour opérateur. Nous travaillons à In Tourist, Nous faisions visiter le palais d'hiver, la place rouge, le croiseur Aurore aux visiteurs des quatre coins du monde. Hélas, le mur s'est écroulé et les catastrophes depuis n'ont cessé de suivre. Mes frères et moi, nous avons dû nous exiler, nous adapter, bref, offrir une prestation plus originale. Nous avons loué ce local à Pantin, un vieil entrepôt à l'abandon. Quant aux costumes et aux décorations, nous avons tout rapporté de là-bas. Ah, au fait, il va de soi que le règlement s'effectue exclusivement en liquide. Rotard plongea la main dans la poche de son veston, en sortit deux billets de 500 francs en guise d'acompte. Puis, il s'éloigna sur l'avenue de l'Opéra en sifflotant l'International et enfila tranquillement la rue des Petits Champs Guilleret. Il faisait doux, le ciel était bleu. Rotard sifflotait toujours, de plus en plus fort, sans s'en rendre compte. Le cœur plein d'allégresse. Il se prit même à fredonner en songeant aux lèvres pulpeuses de Natalia. Quand il parvint près de la place du Palais Royal, à quelques mètres de la statue de Jeanne d'Arc, il en était à chanter à tue-tête le refrain de la chanson de Potier et de Gréter. C'est la lutte finale, je ne vais pas vous chanter tout. Groupons-nous, à demain, l'international sera le genre humain. Sans penser à mal, pauvre Rotard, chanter, ça n'est jamais gratuit. En effet, deux skinheads imbibés de bière qui revenaient d'une manifestation du Front National lui emboîtèrent le pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Bon, c'était la semaine d'Eroticard, n'est-ce pas? Ça continue sur Radio Gémozo. À bientôt. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison commence au cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, fous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la lutte finale, coupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, coupons-nous. matin du